6. Troisième et quatrième mari. Inutile de dire peut-être que l'acquittement de la reine et la retraite des Hongrois furent célébrés à Naples par des fêtes splendides. Les bandits ravageaient le royaume et venaient attaquer jusqu'au faubourg de la capitale. Mais Jeanne n'en voyait rien, n'en savait rien. Elle avait sur les yeux le bandeau de sa passion. Et, quant à Louis de Tarente, il était la première victime de cette passion et de cette fureur de plaisir. Jaloux d'être aimé sans partage, il épuisait les dernières forces de sa jeunesse auprès d'une femme qui ne régnait que par la volupté, mais qui faisait de ce règne une véritable tyrannie. Il succomba en mai 1362, le printemps l'acheva. Jeanne, qui n'était point inconsolable, épousa dans le courant de la même année Jacques d'Aragon, prétendant à la couronne de Majorque. C'était un choix assez malheureux. Ambitieux, d'humeur inquiète, dédaigneux des plaisirs et du luxe, ce prince n'aimait que la guerre et ne rêvait que conquête. Sa haute taille, sa vigueur, avaient séduit Jeanne et l'avaient trompée. Sorti de sa coque de fer, descendu de son coursier de bataille, ce vaillant chevalier ne devisait volontiers qu'avec les flacons. Les bals, les fêtes l'ennuyaient, la musique l'irritait, et dans sa femme, il ne voyait que la reine. Jeanne restait veuve, en réalité. Heureusement qu'il n'était pas jaloux. La reine admirait ses exploits et, les comparant à ceux des plus vaillants chevaliers de la chrétienté, ne lui trouvait d'égal que le prince Otto, ou Othon, de Brunswick, le plus noble, le plus brave, le plus généreux de son siècle. « Ah ! se disait-elle, si j'avais le malheur de perdre ce vaillant Jacques d'Aragon, voilà le seul prince qui serait digne de lui succéder. » Et, s'attristant des dangers que courait le premier, elle se consolait à penser au mérite du second. Le ciel, qui est toujours pour quelque chose dans nos affaires de ménage, ayant résolu de ravir au royaume de Naples l'âme de Jacques d'Aragon, entra dans les vœux de la reine et y disposa le cœur d'Othon de Brunswick. En conséquence, Jacques d'Aragon mourut en l'an 1375, et quelques mois plus tard, Othon de Brunswick lui succéda. Bien qu'elle ne fût plus jeune, la reine était toujours très belle, et surtout très séduisante, ce qui n'est pas absolument la même chose. Othon était lui-même d'un âge raisonnable, mais Jeanne lui inspira une profonde passion. Et c'était, nous l'avons dit, un des plus nobles caractères de son temps. Il se dévoua tout entier à sa reine. Il était temps qu'une main énergique prît ses intérêts, car le royaume était dans une situation lamentable, et les grands seigneurs avaient succédé aux bandits allemands et se disputaient les provinces. Ce n'est pas tout profit pour un peuple d'avoir une reine qui s'amuse. Jeanne étant sans enfant, on se disputait déjà son héritage. Elle adopta un de ses cousins, Charles de Duras, le fils de celui que nous avons vu périr à Avers. Mais, par une singulière fatalité, ce jeune homme, élevé en Hongrie, avait appris en ce pays à mépriser sa patrie et à détester la cour de Naples et Jeanne elle-même. Il dissimula ses sentiments, accepta les bienfaits dont on le combla, se laissa donner par la reine le nom de fils et nourrit en secret les desseins de la plus basse ingratitude. Ici, nous prendrons le parti de Jeanne. Ce Duras était un vil coquin. Il n'attendait qu'une occasion de trahir sa bienfaitrice, et elle s'offrit à lui dans la double compétition au trône pontifical de Clément VII et d'Urbain VI en 1378. Jeanne avait reconnu Clément VII. C'était une erreur, peut-être, le Saint-Esprit seul le sait, mais qui se trompe à tort. Urbain en jugea ainsi et, avec une habileté assez indigne de son titre de Saint-Père, provoqua Charles à la rébellion contre la reine, sa mère adoptive, et invoqua son secours. En histoire, cela s'appelle de la politique, et en morale, une coquinerie. Charles se fit couronner roi de Naples par le pape et s'avança contre Othon. L'armée de celui-ci, l'histoire de Naples est pleine de ces répétitions de faits, se débanda à la vue de l'ennemi et, malgré son courage, Othon dut rentrer à Naples sans avoir pu livrer bataille. Jeanne renia alors Charles de Duras pour son héritier et adopta Louis, comte d'Anjou. Elle s'enferma ensuite dans le château neuf en attendant le secours de ce dernier. Ne rencontrant aucune résistance, Charles ne tarda guère à assiéger la reine. Othon, pendant ce temps, levait des troupes en province et marchait sur Naples. il parvint même à livrer un combat. Pour délivrer Jeanne, il eût volontiers donné sa vie, mais, comme François Ier à Pavie, il tomba en combattant entre les mains de l'ennemi. Jeanne alors se résigna à capituler. Mais à peine eut-elle ouvert les portes de sa forteresse que l'on signala une flotte qui entrait dans le golfe. C'était une flotte provençale. C'était Louis d'Anjou. 7. Le dernier acte du drame. Quel coup de fortune ! Un jour de résistance de plus et elle eût été sauvée. « Voilà, madame, des gens qui vont achever de vous perdre, » dit Charles de Duras, « car, quel que soit le sort de la bataille que nous allons livrer, vous resterez notre prisonnière. » « Je le prévois, monseigneur. Je ne vous cacherai point mon déplaisir. Mais puisque le ciel en ordonne ainsi, je vous déclare que je suis prête à me résigner à mon infortune et à tout tenter pour éviter de nouvelles batailles. Que voulez-vous dire ? Que je suis lasse d'un pouvoir si disputé et d'une lutte si sanglante. Mais que ferez-vous pour y couper court ? Tout ce qui m'est encore possible. Parlez ? Si vous le voulez, dit Jeanne, je me rendrai près des Provençaux. Ils m'aiment, et, quoique je leur ordonne, ma voix sera écoutée. « Me prenez-vous pour dupe ? » fit Charles de Duras. « À d'autres, ces ruses napolitaines. Vous laissez rejoindre la flotte ? » ?»« Vous m'avez mal comprise. » »« Expliquez-vous, madame, mais d'avance je vous déclare que je m'oppose également au débarquement de Louis d'Anjou et à votre désir de le joindre. » Jeanne, non sans courage, subit ces paroles hautaines et reprit. « Vous m'avez mal comprise. » Avant que la flotte soit entrée dans le golfe, je ferai par des signaux demander une entrevue au capitaine des navires. C'est assez difficile à réaliser. Un bâtiment sera neutralisé. Il recevra autant de chevaliers de votre armée que de capitaines de l'armée provençale et se tiendra à une égale distance de la côte et de la flotte. Cela vous conviendra-t-il ? Parfaitement. Il y aura bien encore quelques détails à régler, mais passons. Que direz-vous à ces capitaines ? Ce qui est, la situation qui m'est faite, les regrets que j'éprouve, mon désir sincère de rendre la paix à mon pays, si longtemps en proie aux ravages de la guerre, cela ne les touchera point. Je leur montrerai les dangers auxquels m'expose leur intervention, et pour l'amour d'une reine qui les a toujours aimés et qu'ils ont toujours fidèlement servis, sans doute consentiront-ils à se retirer. Duras réfléchit un instant, les yeux toujours fixés sur la flotte qui doublait les îles et déjà s'avançait vers le port. « Essayez, dit-il, je vous accompagnerai, je veux vous entendre. » Un éclair de joie brilla dans les yeux de Jeanne. Il l'aperçut et se ravisa. « Non, dit-il, je me méfie de vos ruses napolitaines. Quel gage vous faut-il donc ? Un gage ? Oui, il me faut un gage, vous m'y faites songer. » « Eh bien, pour que je puisse vous accompagner à cette entrevue, non en étranger parmi des Provençaux, mais en maître, en héritier de la couronne de Naples, de Sicile et de Jérusalem, vous me conférerez, par acte authentique, les droits de la couronne de Naples sur la Provence. » Jeanne surmonta sa stupéfaction. « Je ne ferai, lui dit-elle, que ratifier les faits accomplis, puisque vous vous êtes emparé de ma couronne. Mais en ce cas, vous voyez bien qu'il nous faut une entrevue avec les Provençaux. » « À ce prix, j'y consens, » répondit Charles de Duras. Quelques heures plus tard, des signaux étaient échangés avec la flotte. Nous n'entrerons pas dans de plus longs détails sur les usages pratiqués à cette époque entre deux armées obligées d'échanger des parlementaires, par une excellente raison, c'est que nous ignorons ces usages. Cette entrevue des capitaines de la flotte d'Anjou, du comte de Duras et de la reine captive a dû être difficilement réglée. Combien de précautions à prendre de part et d'autre ? D'un côté, Duras devait se méfier que les Provençaux n'enlevassent la reine. De l'autre, les capitaines devaient craindre de se faire enlever. Malgré tout, l'entrevue eut lieu à la pointe du château de l'œuf. Une foule considérable y assistait à distance, sur le quai de la Chiaggia et les hauteurs du Pausolipé. Lorsque la reine prisonnière arriva en face des capitaines provençaux, elle fut saluée par une immense acclamation. Charles, alors, irrité de ces témoignages de sympathie qui flétrissaient sa trahison, fit crier par ses héros les titres qu'il avait usurpés et celui de roi de Provence qu'il venait d'extorquer de Jeanne. Les Provençaux eurent du mal à contenir leur indignation. Alors la reine prit la parole à son tour. « Capitaine, dit-elle d'une voix émue, mais qui savait se faire entendre des plus éloignés d'elle, « Braves Provençaux, à qui je dois d'avoir échappé naguère à Louis de Hongrie et qui m'avez entouré à Aix des preuves d'un attachement qui me fût si sensible, Votre surprise et votre douleur doivent être grandes de voir votre reine prisonnière dans ses états, au milieu de son peuple, et d'entendre ses héros d'armes proclamer pour votre nouveau maître un prince qui ne vous est connu que par ses usurpations récentes. » Un murmure s'éleva des rangs des chevaliers qui accompagnaient Duras, et un instant couvrit la voix de la reine. Mais Jeanne reprit, d'un ton plus élevé et vibrant de colère, « Ne vous arrêtez pas à l'appareil qui m'entoure. Je suis captive comme femme, mais ma volonté de reine, mais mon droit, sont invincibles. Ne reconnaissez pour votre maître que Monseigneur d'Anjou. Vengez-moi du brigand, du traître que vous avez sous les yeux. Ne vous occupez plus de Jeanne que pour la venger, et priez pour son âme. Vive Louis d'Anjou, roi de Naples, de Provence et de Sicile. » En vain, ceux qui l'entouraient voulurent couvrir sa voix par leurs murmures et leurs cris. Ces paroles courageuses parvinrent au capitaine qui les applaudirent avec enthousiasme. Si le peuple qui contemplait cette scène avait pu entendre cette protestation, Charles de Duras n'aurait eu peut-être qu'à se réfugier en toute hâte dans le château voisin. Il se retira, entraînant sa prisonnière, au milieu des huées de la flotte provençale et des cris de « Vive Jeanne, vive Louis d'Anjou !» Ah, s'il eût osé, Jeanne ne serait pas rentrée vivante à Naples. Mais ce maître fourbe se dit sans doute que la guerre a des dénouements imprévus, qu'il pouvait être vaincu dans la lutte qui s'engageait, et que Jeanne était un gage. D'autre part, il réfléchit que, Naples allant devenir le champ de bataille, il devait enfermer plus loin son otage, et il fit transporter la reine déchue au château de Mureau, situé dans les montagnes, à l'entrée de la province de Basilicate. La vieille forteresse, d'aspect barbare et menaçant, bâtie sur des rochers à pic comme un nid d'aigle, avait servi de repère à plus d'un bandit féodal avant de devenir la prison de la reine Jeanne. On n'y parvenait que par des défilés étroits, faciles à défendre, avec quelques hommes déterminés, et l'on ne pouvait s'en emparer que par la famine. Jeanne, en s'acheminant vers ce triste séjour, pressentit qu'elle marchait vers son tombeau. Cependant, elle garda sa fière allure. D'où venait tant de courage à cette femme qui, dans sa jeunesse, à Averse, lors du crime, à Naples, lors du châtiment et de l'invasion hongroise, avait montré ici tant de lâcheté et là tant de faiblesse? Ce courage, elle le puisait dans ses sentiments de justice indignée. Autrefois, elle était coupable, et à cette heure, elle était victime d'une trahison infâme. Elle avait sa conscience pour elle. Elle pouvait lever la tête et regarder en face les officiers de Duras. Mais, d'autre part, ces derniers, blessés dans leur orgueil, n'oubliaient point qu'elle les avait qualifiés de brigands et la traitaient avec barbarie. Dans ce pénible voyage à travers les montagnes, par des chemins de pâtre, il n'avait aucun ménagement pour la faiblesse de son sexe et de son âge. Il ne gardait aucun respect de son ancienne puissance. Et, au lieu de lui donner le château fort pour prison, ils l'enfermèrent dans un cachot et la chargèrent de chaînes. Alors, elle dut se rappeler de la corde d'or qu'elle avait tressée pour son premier mari et songer aux derniers jours de la catanèse. Le châtiment de tant de crimes et de folies s'était fait attendre, mais paraissait désormais inévitable. Son heure allait sonner. Cependant, l'armée du comte d'Anjou, chez qui les courageuses paroles de la reine avaient eu leur écho et qu'elles avaient animé d'un nouveau courage, débarquait sur la côte de Naples et peu après attaquait l'armée de l'usurpateur. Celui-ci avait de meilleures troupes que jadis Louis de Tarente. Elles étaient formées des vieilles bandes hongroises disséminées dans le pays. Cependant, elles ne purent résister à l'attaque des Provençaux. Battues sous les murs de Naples, elles durent bientôt chercher un refuge dans les Abruzzes, où les soldats de Louis d'Anjou lui donnèrent la chasse. Et, un beau soir, le soir du 12 mai 1382, Charles, qui se disait toujours roi de Naples, de Sicile, de Provence et de Jérusalem, et qui n'était déjà plus que le comte de Duras, fut forcé de se retirer dans la Basilicate et de se rabattre sur la forteresse où il détenait celle qui avait été reine de Naples. À la tombée de la nuit, il se présenta en fugitif avec quelques-uns de ses chevaliers à la poterne de la forteresse. « Au qui-vive de la sentinelle, le roi, » répondit-il. Et la sentinelle demanda « Quel roi ? En est-il d'autre que Charles ?» On en attendait déjà un autre, à Mureau. Un instant après, la poterne s'ouvrit et il fut reçu par le chevalier chargé de la défense de la forteresse. Il ne lui dit rien de ses défaites, et d'ailleurs son arrivée subite, en ce repère, à la tête d'une poignée de cavaliers harassés, expliquait assez l'état désespéré de ses affaires. mais à peine eut-il mis pied à terre. « Et Jeanne ? » demanda-t-il. « Vit-elle encore ?»« Oui, sire. Que devient-elle ? » ?»« Sire, elle attend de vous sa destinée. » »« Où est-elle ? » ?»« Selon les ordres que vous m'avez donnés, elle est dans un des cachots du donjon. Désirez-vous que je vous conduise près d'elle ?»« Non. » Il demeura un instant comme écoutant les bruits vagues du dehors ou ses propres pensées. « Puis, êtes-vous instruit de ce qui se passe ? » reprit-il. Un fuyard est passé ici qui nous a dit que votre armée avait été battue sous les murs de Naples. Nous n'en avons rien cru, et je l'ai fait pendre pour le punir de son mensonge. Très bien. Mais Jeanne n'en a rien su ? Non, sire. Et depuis, des paysans, en apportant des vivres, nous ont raconté que vos troupes tenaient la montagne contre les troupes de Louis d'Anjou. Nous avons soupçonné que c'était des espions envoyés par l'ennemi pour éprouver notre fidélité, et nous en avons tiré bon augure. « Mais Jeanne ignore tout cela, n'est-ce pas ?»« Oui, sire. »« Oh, que cette dernière consolation d'apprendre les succès de Louis d'Anjou lui soit ravie, qu'elle meure avant d'apprendre ma défaite, car notre cause est à peu près perdue, et vous ne l'ignorez pas, messire. Mais ne vous gênez pas pour me dire la vérité. Déjà, n'est-ce pas, des partisans d'Anjou ont été vus rôdant autour de cette forteresse. »« Sire, c'est la cruelle vérité. Au bruit de vos chevaux, nous croyons à l'arrivée de l'ennemi. » Ils savent que Jeanne est ici. Ils accourent pour la délivrer. Mais je les devance, et le signal de leur approche sera celui de sa mort. Mais il ne faudra pas attendre le bruit de la bataille. Non, non, elle apprendrait par lui mes revers. Elle mourrait, trop heureuse. Dès qu'un cavalier ennemi sera signalé dans la gorge de Mureau, que j'en sois averti, et Jeanne aura cessé de vivre. Ces paroles échangées, sa haine s'accorda quelques instants de répit. Il entra au château où déjà la table était dressée pour lui et ses chevaliers. La nuit était une nuit de mai et une nuit de Naples. On eût pu se passer de flambeaux. Cependant, la salle à manger resplendissait de lumière et l'abondance du menu était propre à écarter les soucis d'un long siège. Les vins de Sicile et de Chypre, si doux après un jour de combats et de fatigues, mêlaient leurs rubis à l'or des coupes et des calices, retrempaient le vermillon des lèvres puis perlait dans les barbes grises des bons chevaliers. Adieu, soucis, vendanges sont faites. Les esprits lourds de ces vieux porteurs de casques se réveillaient et trouvaient des ailes. L'oubli était bu, et l'on parlait de prochaines victoires. Tandis que la sentinelle plantée sur le rempart jetait alternativement un regard aux vitres rougies de la salle du festin et à la campagne baignée d'ombre. Elle ne buvait point de vin de Chypre, heureusement pour elle. Le silence de la campagne ne suffisait point à la rassurer, et elle savait que la confiance des chefs n'est pas toujours un présage de victoire. Et elle avait raison, cette sentinelle Moyen-Âge. Soudain, sa hallebarde frappa à coups redoublés les dalles du chemin de ronde, et sa voix claire fit entendre le cri « Aux armes !» Malgré le bruit du festin, le comte de Duras l'entendit. Il se leva brusquement. « Avez-vous entendu ? On a crié « Aux armes !»« Debout, chevalier !» Chacun se précipita dans la cour, on gravit les remparts et de là, en effet, on put voir par groupes épais les cavaliers d'Anjou envahir les abords de la forteresse. Plusieurs cherchèrent le roi pour lui demander ses ordres. Ils ne le trouvèrent plus. Où était-il ? Là où l'appelait sa haine, là où l'appelait sa vengeance. N'avait-il pas dit, dès qu'un cavalier ennemi sera signalé dans la gorge de Mureau, que j'en sois averti et Jeanne aura cessé de vivre ? Il s'était rendu au donjon et avait mandé le geôlier. Cet individu était une brute. Aussi bien doué sous le rapport de la force musculaire qu'il était, peu sous celui de l'intelligence, il cumulait les fonctions de geôlier et de bourreau. « Écoute, lui dit-il, tu vas descendre dans le cachot de Jeanne. »« Oui, sire. Ton apparition à cette heure est faite pour la surprendre. Elle t'en demandera la raison. »« Il est probable, sire. » Tu lui répondras, « Je viens vous apprendre une grande nouvelle. Monseigneur le comte d'Anjou a été tué dans un combat livré à quelques milles d'ici. Vos dernières espérances sont détruites. » Sans doute, elle criera en mensonge, « Mais soutiens ton dire, car c'est la vérité. Mais surtout ne dis point que c'est de moi que tu tiens cette importante nouvelle. Elle ne doit point savoir que je suis venu à Mureau. Et que dirai-je ensuite, sire ? Ensuite, tu l'étrangleras. » Le bourreau, si habitué qu'il fût au dénouement brusque, fit un mouvement de surprise. Le comte répéta, « Tu l'étrangleras de tes mains ou à l'aide d'une corde, comme bon te semblera, pourvu qu'en remontant tu puisses me dire « Celle qui était la reine Jeanne est morte. » Tu m'as compris ? Oui, sire. Tu n'oublieras pas de lui conter la grande nouvelle, Il faut, avant de mourir, qu'elle sache que Louis d'Anjou est vaincu et tué. Oui, sire. Va, je t'attends. » Le geôlier bourreau s'éloigna et descendit au cachot de Jeanne. La vieille reine dormait, tout habillée, sur son coucher de paille. Elle se leva en sursaut et, à la vue du geôlier, comme si le meurtre eût été écrit sur le front étroit de cet homme, « Ah, je comprends, » dit-elle. Mais lui, imperturbable, lui débita son message. « Quel mensonge !» se récria Jeanne. « Madame, » dit le bourreau, à bout de phrase, à court d'éloquence, « c'est la vérité. Vos espérances sont détruites. Il faut y renoncer. » Puis, s'approchant d'elle, « il faut mourir. » À ce mot, à cette menace, la malheureuse bondit, prête à se défendre. Mais c'était par instinct, non par raisonnement, car toute résistance était bien inutile. La poigne du bourreau la saisit au bond et lui serra la gorge. Si prompt qu'il eût été, le temps avait semblé long au comte de Duras. Et plein d'anxiété, Charles avait descendu quelques marches. « Eh bien » cria-t-il. « Elle est morte, » répondit l'exécuteur. « Ah !» fit le comte. Il fit encore un pas en avant, puis hésita et changea de projet. « Écoute » cria-t-il. « Prends le corps et sors-le du cachot. » Le bourreau obéit. Dès qu'il le revit apparaître, chargé de son fardeau funèbre, « Suis-moi » ajouta le comte. Et tous deux montèrent l'escalier, puis du donjon, ils entrèrent dans l'appartement seigneurial. Arrivé dans la chambre à coucher, le comte indiqua au bourreau le lit. « Dépose là le corps, » dit-il, « et retire-toi. Demain, je te donnerai ta récompense. » Le valet de meurtre exécuta ses derniers ordres et se retira. Le comte demeura seul, près de sa pauvre cousine, étendue sur le lit, inerte, et le visage convulsé par les souffrances de son horrible mort. Il arrêta sur elle, pendant quelques minutes, son regard sans pitié. La haine a son appétit, comme le vautour. Il rassasia sa haine. Puis il ouvrit une fenêtre qui donnait sur le rempart et écouta. La nuit était pleine des rumeurs et des bruits d'une prise d'armes. La présence de l'ennemi victorieux était sensible. Peut-être Louis d'Anjou était-il, de lui, à la portée d'une flèche. La rage qui s'était emparée de lui en redoubla. Il se retourna vers le lit funéraire. « Et cependant, elle est bien morte, » se disait-il. Il s'approcha d'elle avec un flambeau. Et il vit les paupières de Jeanne se soulever, irritées par la lumière, et la vit, l'âme reparaître dans ses prunelles noires, naguère si brillantes. Elle vivait. Il se recula, épouvanté. Puis, presque aussitôt, la fureur chez lui succéda à l'épouvante. Il arracha du lit un oreiller et le jeta sur la face de la reine. Mais l'oreiller s'agita. Il le fixa alors et consomma ainsi le meurtre qu'il avait ordonné. Pour cette fois, la reine Jeanne était morte. Quelle fin ! André le Hongrois était bien vengé, mais ce Duras avait été plus perfide et plus cruel que Jeanne, car celle-ci avait été sa bienfaitrice et avait voulu lui laisser sa couronne. Le crime ne devait point lui profiter, heureusement pour le peuple de Naples, car un traître ne peut être un bon roi. Mais voyons maintenant si ce peuple fut plus heureux avec la seconde Jeanne, une reine très galante aussi.